t'as des bois, des bois. Les jours sont rencontrés, m'a des photo. Tout que ouais, c'est de Saint-Michel, terrassons le dragon, éloignant les mauvais esprits. Aïe aïe aïe. J'en savais faire. Mes amis, dis-moi, c'est rêvé, moi qu'à rêver. Paramount, c'est un homme. Pas ni privé qui ça. On les trois pour un journée. Ou mais c'est y a pas. Ça fait fête. Paramount Jumbo. Mes amis, dis-moi, c'est rêvé. Rêvé, ma qu'à rêvé. Paramount Jumbo. Et si vous battez là, y'a un tête inventé. Paramount Jumbo. Pas besoin d'y aller. Ou pas besoin de parler. No, no.